Prutz, vue d'Alger. Alger planète au-dessus des tempêtes. Sur la casaba flottaient les trois couleurs. La nuit tombait sous l'écho des trompettes. Le bruit s'éteignait au camp des tirailleurs. Sur les débris d'un bastillon en ruine, où de longs palmiers vont étaler des fleurs, était assis un travailleur aux mines, allemand de race, yeux bleus et cheveux blonds, et près de lui le fils des Sarrasines. Un mort bien svelte au regard vagabond, tout récemment pris dans une embuscade sur l'ourlet jauni des landiers inféconds. La douce nuit invitait à l'aubade, et des feux de garde éclataient alentour. L'astre des cieux suivait sa promenade. Pas un vent n'allait. Au fond du carrefour retentissait le grondement des vagues. L'heure de minuit couronnait un beau jour. L'un parla nord et l'autre pleine vague. Tristesse et souci rayonnaient dans leurs yeux comme aux doigts fins étincellent les bagues. Le musulman dit « Du tronc de mes aïeux sort le kabyle. Un héros fut mon père, héros sans pareil parmi tous ses neveux. Ma patrie est l'espace. » Ma lumière, l'éclat du soleil, mon unique plaisir, un bon cheval, mon enfance sévère, apprit à viser au gré de mon désir. Je prévenais le chevreuil de vitesse et l'on m'appelait un cavalier zéphyr. Mais à quoi bon, ô ma pauvre jeunesse? Je vais me nourrir d'inutiles regrets, je traînerai des fers dans ma vieillesse. L'Allemand reçoit ses douloureux secrets et puis soupire. Il dépeint sa patrie, la petite ville aux tranquilles attraits, bâtie en pierre, étroite mais chérie. Son père, vieillard dont la tremblante voix touchait le peuple en racontant sa vie, puis l'air étouffant de l'école en émoi, où gravité s'allie à badinage, la saison d'hiver qui réclame du bois. De l'étudiant, l'aventureux voyage, le choc de la coupe et le choc des poignards, les bonnets bleus aux splendides ramages, le duel aussi, les sbires nasillards. Comme il frappait son fougueux adversaire, comme de la vie il courait les hasards en fugitif entouré de mystères et dont nul ne peut deviner les séjours. Loin tout cela, dans la nuit solitaire. Mais il lui souvient encore de ses beaux jours. Le mort assis contemplait la ravine comme si d'un rêve il poursuivait le cours. Puis l'œil de feu tourné vers la colline. « Oh, Fatmé, Fatmé, mes amis, venez voir cette gazelle à la taille si fine. Son œil est plus clair que la clarté du soir qui me sourit dans le ciel sans nuage. Il est frais et pur comme un mouvant miroir. Sa boucle est brune et descend par étage. La fleur de sa joue est égale en beauté à l'anémone au merveilleux corsage. Son souffle a l'odeur des graines du café qui se colore au soleil de l'Atlante. Des vierges la fleur, oh Fatmé, ma Fatmé. » Loin est Ali, sa Fatmé se lamente sur Ali captif aux mains des ennemis. L'autre se lève et soudain son amante paraît à ses yeux les traits mal affermis. Il voit le gîte abrité du bocage où courut son pied bien des après-midi. Le chèvrefeuille inclinant son treillage où l'on prit plaisir dans un causet bien doux, où sur la lèvre on cueillit plus d'un gage. Debout, étranger, cours à ton rendez-vous. Vois-tu ces fers, j'en vais briser l'entrave. Je sens le frisson du zéphyr jaloux. Debout, bédouin, fuis, tu n'es plus esclave. Le fils du désert bégaye un long merci. Mais l'Allemand le conduit à l'enclave, lui rend son cheval et nargue du souci. Puis dans la plaine, au sein de la poussière, l'Allemand put voir rayonner son sourcil. Il se retourne et mouille sa paupière. Ce qui préoccupe surtout M. Prutz, c'est la forme éclatante et sonore. Il manie très habilement la langue. Il a étudié toutes les ruses, toutes les coquetteries du langage. Dans ses chansons printanières, la grâce ne manque pas. Saint-René Taillandier. Le jour des morts. Écoutez ces sons. Comme pour épier la douce voix des limpides clochettes, la mer tient son souffle. Et le flot prisonnier tarde à bruire au sein des eaux inquiètes. Le silence règne, et du milieu du bourg résonne un chant ainsi qu'au jour de fête. Puis il se renforce à chaque étroit détour. Mais comme est bas le ton de ses prières, Ah, c'est la paroisse arrivant du faubourg. Pour tenir fête au désir de ses pères, on va célébrer le jour des trépassés. D'abord le prêtre, et puis les tendres mères, des vieillards tout gris au corps déjà cassé, la vierge pâle et la vermeille enfance, seulement pas d'hommes et de gaz élancés, tous retenus sur les flots en démence. Puis on s'agenouille aux pentes de la mer, l'œil est en pleurs et la voix fait silence. Hélas, pour les morts ils prieront tout l'hiver, tant sont partis pour ce lointain voyage, et si peu reviennent au foyer. Au sein des flots, les autres voient l'orage de leurs yeux hagards, qui les leur eût fermés. Déçus du ciel, leur splendide apanage, sans confession, la mort les a dîmés. Mais au milieu de ce concert de larmes, les prêtres ont dit ces mots accoutumés. Plus loin qu'aux morts, étendez vos alarmes. Sur les flots trompeurs vogue maint matelot qui s'embarqua fort et rempli de charme. Les morts sont bien morts. Seigneur Dieu, dis un mot pour les vivants. Quand les eaux feront rage, montre aux malheureux la trace d'un îlot. Comme il pleurait encore sur le rivage, soudain apparaît au bord de l'horizon, non un oiseau de transparent plumage, mais bien une voile à haute flottaison. Le chant se tait et le prêtre s'arrête, la bouche béante en sa triste oraison. Et maintenant, sauvé de la tempête, brille un grand vaisseau qui va toucher le port, se disent-ils, à qui fera-t-on fête? Sans doute un marin que nous avions cru mort, un exilé qui surpasse l'attente. Et lentement plane et se balance au bord la belle nef, noire en elle la charpente, et noire la voile, elle fasille au mât comme une feuille au rameau de l'acanthe. Le peuple est saisi d'un indicible effroi, pas une haleine, et l'œil même du prêtre paraît sous le coup des charmes du sabbat. Maintenant, Dieu, l'on peut les reconnaître, ce sont des garçons depuis longtemps perdus, puis oubliés dans le berceau champêtre. Ce sont des bourgeois depuis 10 ans et plus sevrés du sein de la mère patrie, et des jeunes gens aux pensées ingénues. On se remet leur figure chérie, la vierge palote et prise de rougeur étend la main avec coquetterie. Mais sur le vaisseau, quel silence moqueur! Faites un signe et calmez leur envie. Tout reste muet, ils ont perdu le cœur. Dans tous ces corps, plus un souffle de vie. L'eau de mer, disent-ils au long de leur droguet, le bord des yeux tordus par l'agonie, ne sait plus sourire au chant des galoubets et perce au loin le vide de l'espace. Les femmes du port, les enfants indiscrets, de tout ce peuple, ils dédaignent la masse. Mais quand le navire effleure les curés, un long soupir dans l'air passe et repasse. Ils lancent des yeux de désir effarés, et lentement, comme allant de lui-même, plane le vaisseau sur les flots azurés. Déjà la voile atteint la ligne extrême, ce n'est plus qu'un point, enfin il disparaît. Le peuple alors a compris le problème. Ce que nul ne dit, chacun se l'assurait, au fond du cœur, le front dans la poussière, l'esprit tout de crainte et d'horreur stupéfait. Sans oser bien regarder la lumière, chacun vers l'église a tourné ses haubans, tous à genoux, vieillards, femmes, enfants, ils ne pleuraient pas, ils fondaient en prière.